L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. Le Challenge Banque Nationale s'est terminé hier et question de savoir un peu comment ça s'est terminé. À lire les journaux ce matin, ça a super bien été encore une fois. On parle avec Caroline Delis. Oui, Caroline? Oui, bonjour. Caroline, si on y allait, ça a été une belle... à lire les organisateurs, ça a été une très belle réussite encore une fois. Oui, écoutez, cette année, on a eu un petit peu plus de spectateurs. Donc, c'est sûr qu'avec les prestations des Québécoises et des Canadiennes, ça nous a aidé justement à avoir plus de spectateurs au rendez-vous. Et puis, 11e édition très réussie. On a eu d'excellents matchs tout au cours de la semaine en simple, en double. Et puis, on a pu voir justement là, les Québécoises et les Canadiennes à l'œuvre. Donc, les gens étaient quand même assez satisfaits là, de leur semaine là, en termes de pouvoir assister au match et d'apprécier justement le jeu offert par les différentes joueuses qui étaient inscrites à notre tournoi cette année. OK. Donc, l'augmentation, est vraiment, comme tu l'as mentionné, n'est vraiment pas étranger aux performances de Bianca Andreescu et également Françoise Abanda et Alexandra Wozniak aussi. Là. Ça a donné vraiment un bon coup de pouce à l'organisation. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parle-moi de Bianca Andreescu. Elle a vraiment du potentiel. Hein. Si on voit que Françoise Abada semble plafonner un peu, Andreescu est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour le tennis canadien. Là. Une belle relève. Là. Oui, effectivement. C'est une des meilleures joueuses classées au monde au niveau junior. Donc, c'est sûr que là, il ne faut pas trop regarder son classement au niveau là, international chez les femmes parce qu'elle est encore... Elle va atteindre peut-être le 400e rang, mais écoutez, elle va monter quand même assez rapidement, je crois, parce qu'avec des performances comme elle a livré ici à Saguenay, ben, écoutez, elle peut juste monter dans le classement. Et puis, il y a Charlotte Robillard-Millette aussi qui a très bien fait. Donc, une autre jeune de 17 ans. Donc, on était très comblés de voir les prestations de ces jeunes joueuses-là. Et puis, elle est très prometteuse aussi, hein, les deux, là, comme Andreescu. C'est une joueuse très puissante. Puis là, c'est sûr qu'elle était quand même assez fatiguée pour la finale. Elle avait joué beaucoup de matchs. Puis elle avait atteint justement la finale du double avec Charlotte. Ils se sont inclinés en finale. Mais c'est sûr que ça n'a pas été facile pour elle là, parce qu'elle avait joué là, quand même un très long match en simple, plus une finale en double samedi. Fait que c'est sûr qu'elle semblait manquer un petit peu de carburant là, pour la finale d'hier. Malheureusement, c'est sûr que les jambes étaient un petit peu moins au rendez-vous, mais écoutez, elle avait quand même une adversaire de taille avec Catherine Bellis, qui est comme une excellente joueuse, notre première favorite. Et puis Bellis avait d'ailleurs remporté son match de demi-finale par forfait, fait qu'elle était quand même assez fraîche et dispo. Là, donc c'est sûr qu'elle était quand même un peu plus en forme que notre jeune Canadienne. Là. OK. Si on parlait, c'est quoi sa force en fait? C'est quoi? C'est-tu un bon service? C'est-tu son jeu de pied? C'est quoi? Catherine Bellis, sinon? Bianca Andreescu. Ben, c'est ça que j'ai dit tantôt. Là, c'est sûr que c'est une joueuse quand même assez puissante. Tout ça. C'est sûr que son service, c'est pas seulement son arme. Là, okay. Elle l'a amélioré beaucoup, mais je pense que c'est ça. Il va falloir qu'elle l'améliore encore un petit peu plus. Passer plus de première balle de service et tout. Puis, c'est sûr qu'en fond de terrain, elle est quand même solide. Là, elle frappe assez lourd, puis capable d'échanger longtemps. C'est sûr, je pense que la grande qualité, c'est qu'elle est très compétitive, puis ouais. Je vous dis qu'elle compétitionne beaucoup sur le terrain de tennis, puis elle veut gagner. Donc ça, en partant, là, c'est assez important. Je veux dire, quand elle embarque sur le terrain, c'est pas pour perdre, puis je vous dis qu'elle va livrer, là, elle va donner tout ce qu'elle a, puis elle va toujours essayer de livrer les meilleures performances possibles. Fait que je pense qu'elle a beaucoup de caractère, puis c'est ce que les gens ont apprécié d'elle aussi, là. Fait que c'est certain qu'on aime voir une joueuse comme ça, avec beaucoup d'énergie sur le terrain. Puis elle est capable aussi de faire des belles volées, capable d'aller un jeu quand même assez varié. C'est surtout avec la fatigue, on voyait qu'elle prenait peut-être moins des bonnes décisions là, au niveau de la finale. Mais dans l'ensemble, ça a été là, très, très positif. Puis on était très contents de voir ces jeunes joueuses-là à l'œuvre cette semaine ici à Saguenay. Alexandra Wozniak, elle m'a donné une bonne entrevue avant mes vacances. Wozniak, bon, elle aime beaucoup le Challenge Banque Nationale. Elle aussi, elle a quand même bien performé. Là. Oui, bien performé. Tu sais, on avait quand même on avait trois en quart de finale, donc c'est pas rien, là, hein, ouais. Trois Canadiennes. Donc, c'est ça, Wozniak, malheureusement, a perdu contre Bellis 6-2, 6-4. mais elle avait livré quand même un bon match. Il manquait pas grand-chose. C'est juste son service, c'est quand même toujours ce que je pense qu'il lui donne le plus de difficultés parce qu'elle n'a pas beaucoup, beaucoup de puissance au service, surtout la deuxième balle. Mais en fond de terrain, elle est capable d'échanger avec pas mal n'importe qui puis faire de très bons échanges. C'est sûr qu'au deuxième tour, elle avait battu Françoise Abanda en 3-7. Et puis, ça, c'est un match où est-ce qu'on a eu quand même pas mal de spectateurs avec deux Québécois qui s'affrontaient. C'est sûr que ça a été intéressant de voir ce match-là. Mais on est fiers des performances de nos Canadiennes. Et puis, c'est ça, on va espérer qu'ils vont pouvoir continuer dans les prochaines semaines à faire des belles performances comme ça, là, en d'autres tournois. C'est quoi le rôle du club de tennis Saguenay? Parce que, de la manière que je peux voir ça, c'est Tennis Canada qui organise qui le tournoi, mais vous avez une organisation locale. En fait, c'est quoi? C'est de la logistique des joueurs, trouver des endroits pour que les joueurs se logent, la bouffe, c'est ça en fait? Ben oui, c'est toute l'organisation, il y a beaucoup de choses. Il y a le transport à s'assurer pour les joueurs. Okay. Il faut s'assurer qu'il y a un salon des joueurs avec de la nourriture. Il y a plein de petites demandes à gauche, à droite. Il y a des joueurs qui demeurent en hébergement, d'autres demeurent à l'hôtel. Le service aux joueuses, donc il y a faire le lavage, il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est sûr que c'est une grosse affaire. Et puis aussi sur le terrain, ben faut mettre de la musique, faut faire de l'animation. C'est sûr que le Club Saguenay prête ses terrains là, pendant une semaine. Et puis là, il y a le comité organisateur justement qui fait en sorte que tout va bien fonctionner. Pour les horaires et tout, ben ça c'est plus là, l'ITF et Tennis Canada qui gèrent ça. Mais ils nous consultent quand même pour voir si on est quand même d'accord avec les matchs et les ordres des terrains, et ainsi de suite. Mais quand on attire là, 400-500 personnes, il faut quand même être prêt aussi. Le fait que c'est parce qu'un peu que le comité sert, ça prend des bénévoles qui vont justement là, empêcher les gens de circuler quand il y a des points sont en cours. Ça prend des gens qui vont faire différentes choses, apporter de l'eau sur les terrains, s'assurer que tout roule. Roule correctement, là. Fait qu'on travaille fort là-dessus. On parle de combien de bénévoles juste pour le Saguenay, là? Bon, peut-être environ 80, là, tout et partout, parce qu'on a des chasseurs de balles aussi. OK. Et puis, après ça, on a des chauffeurs. On avait 4 véhicules. Donc, on a des chauffeurs, c'est ça, qui sont sur la route pas mal tout le temps pour les amener, là, c'est ça, soit à l'hôtel ou dans leur hébergement ou ailleurs. Donc, on a des familles d'accueil aussi qu'on compte parmi les bénévoles. Fait qu'écoutez, c'est pas long qu'on arrive à 81. OK. Caroline, évidemment, le Challenge Bank National risque de changer de date. On apprenait ça dans le journal ce matin. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'organisation? Ben écoutez, là, on n'a pas vraiment discuté encore. Dans le sens que oui, on s'attend qu'il puisse y avoir un changement de date. Mais là, il faut voir aussi peut-être qu'il y aurait une autre possibilité. On va attendre que Tennis Canada, mais ça va quand même rester pas mal dans le même mois. Là. Je pense pas qu'il va y avoir trop de changements à ce niveau-là. Mais on va en savoir un petit peu plus au fur et à mesure là, que c'est ça, on va faire notre post-mortem et puis on va attendre les nouvelles de leur part aussi. Là. OK. Juste avant le Challenge Bank National, on a appris une triste nouvelle. Le père de Marie-France Leduc, Jean-François... Jean-François Leduc est décédé d'un arrêt cardiaque, semble-t-il. Ça a dû bouleverser l'organisation parce que, Marie-Alexandre, c'est ta dauphine, donc tu as dû connaître très bien Jean-François. Comment l'organisation a vécu ça? Hein? Ah, ben c'est sûr, ça n'a pas été facile. Hein. C'est pas des bonnes nouvelles à apprendre et puis on l'a appris au tout début du tournoi. Donc, c'était quand même une semaine assez spéciale, là, si on veut, parce que bon, on sait comment Jean-François met le tennis. Et puis c'est certain qu'il serait venu assister au match pas mal, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas à plusieurs reprises. Et puis, c'est sûr qu'il était très près de la famille Robillard-Miette aussi, c'est des très bons amis. Il serait sûrement venu encourager Charlotte là, durant son parcours ici à Saguenay. C'est certain qu'on était très attristés par la nouvelle. Puis, c'est ça, que voulez-vous, on a vu Marie-Alexandre est venue un petit peu au tennis au cours de la semaine, une couple de fois pour se changer d'idée un petit peu. Elle qui devait pas être ici, hein, elle avait dit qu'elle pouvait pas venir à cause de, bon, à l'université américaine, elle pouvait pas se libérer. C'est sûr que là, on l'a vu dans des circonstances plutôt désolantes. Hein. Donc, c'est certain qu'on va les supporter là, puis on va espérer pour le mieux pour la suite des choses. Il était très impliqué dans la carrière de Mireille Alexandre, de Jean-François Leduc aussi. Hein. Oui, très impliqué. Ah, oui, écoutez, il donnait tout hein, pour qu'elle puisse vivre son rêve, puis continuer à faire des tournois et tout ça. Il travaillait très fort, il y a eu même deux, trois emplois différents là, pour justement le subvenir aux besoins, là, parce que ça coûte quand même assez cher, hein, tous les déplacements et tout ça. Donc ça, c'est sûr que Marie-Alexandre est à l'Université américaine, elle peut bénéficier d'une bourse là, d'études complètes là-bas, donc ça, c'est quand même intéressant pour elle, à Clemson. Sauf que son père, c'est sûr que lui, c'était vraiment lui qui était comme maniaque de tennis dans sa famille, je dirais, puis... C'est sûr qu'il en faisait beaucoup pour sa fille, puis s'assurer que tout fonctionne pour le mieux, donc... Donc, c'est certain qu'il va nous manquer à tous. Hein. Ben oui. Ben Caroline, gros merci. On va se reparler quand l'actualité du tennis va l'exiger. D'accord, merci. Notre spécialiste de tennis, Caroline Desjardins.